Sur Back Market, les batteries des smartphones reconditionnés sont vérifiées et remplacées si nécessaire. Mais on va refaire cette pub avec quelqu'un qui a besoin d'une batterie qui...